fête de Franco. Je viens jouer gratuitement et je suis même venu la veille aider à monter la scène. Et lui me fait jouer en dernier et maintenant je dois jouer bourré. Moi je voulais jouer à 20h pour pouvoir picoler tranquille. Pourquoi est-ce qu'on me fait jouer en dernier? Pourquoi est-ce qu'on me fait jouer en dernier? J'ai plein de problèmes, déjà que mes colocs me font chier, déjà que je me tape de procès et que je sais même pas où habiter. Puis j'ai trois chats à la maison qui pissent partout sur mon lit. Et la cerise sur le gâteau, Franco me fait jouer en dernier. Pourquoi est-ce qu'on me fait jouer en dernier? Pourquoi est-ce qu'on me fait jouer en dernier? Déjà que je baise même plus, alors que Franco lui baise. Déjà que c'est mon dernier concert, car je vais me suicider en Bretagne. Lui me fait jouer à 23h, quand tout le monde est déjà bourré. Mais putain, qu'est-ce que j'ai fait pour jouer si tard et fatigué? Pourquoi est-ce qu'on me fait jouer en dernier? Pourquoi est-ce qu'on me fait jouer en dernier? Pourquoi Franco me fait jouer en dernier? Pourquoi Franco me fait jouer en dernier?